Genèse chapitre 9. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, foisonnez, et multipliez, et remplissez la terre. Et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer, vous craignez vos redoutes, ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie, vous sera pour viande, je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Toutefois vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire, son sang. Et certes, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de la main de toutes les bêtes, et de la main de l'homme, même de la main de chacun de ses frères, je redemanderai l'âme de l'homme. Celui qui aura répandu le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre, et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui, en disant, et quant à Emo, I, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre race après vous, et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux que du bétail, et de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de l'arche, jusqu'à toutes les bêtes de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, c'est ici le signe que je donne de l'alliance entre moi et vous, et entre toute créature vivante qui est avec vous, pour durer à toujours, je mettrai mon arc en la nuée, et il sera pour signe de l'alliance entre moi et la terre. Et quand il arrivera que j'aurai couvert la terre de nuée, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et entre tout animal qui vit en quelque chair que ce soit, et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire toute chair. L'arc donc sera dans la nuée, et je le regarderai, afin qu'il me souvienne de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en quelque chair qui soit sur la terre. Dieu donc dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi, et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, furent Sem, Cham et Japhet, et Cham fut père de Chanaan. Ce sont là les trois fils de Noé, desquels toute la terre fut peuplée. Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. Et il en but du vin, et s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, le père de Chanaan, ayant vu la nudité de son père, le déclara dehors à ses deux frères. Et Sem et Japhet prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père, et leur visage était tourné en arrière, de sorte qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, sut ce que son fils le plus petit lui avait fait. C'est pourquoi il dit, maudit soit Chanaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Il dit aussi, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Chanaan leur soit fait serviteur. Que Dieu attire en douceur Japhet, et que Japhet loge dans les tabernacles de Sem, et que Chanaan leur soit fait serviteur. Et Noé vécut après le déluge 350 ans. Tout le temps donc que Noé vécut, fut 950 ans, puis il mourut.